Chapitre 19. Celui qui instaure une bonne ou une mauvaise pratique religieuse. Allah Ta'ala dit: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Et qui disent: Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Sourate 25, verset 74. Nous en fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et ils étaient nos adorateurs. Sourate 21, verset 73. 171. Abu Amr, Jarir ibn Abdillah, radiallahu anhu, rapporte: Nous étions en compagnie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en début de journée, lorsque vint à lui un groupe de gens. Ils étaient à peine couverts d'une étoffe de laine avec une ouverture pour y passer la tête, et ils avaient leurs sabres à la ceinture. La plupart, ou plutôt tous, appartenaient à la tribu de Mudar. Le visage du prophète, alayhi salatu wassalam, s'altéra devant leur extrême dénuement. Il rentra chez lui, puis ressortit et ordonna à Bilal d'appeler à la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wasallam, dirigea la salat, puis fit un prêche dans lequel il dit: « Ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate 4, verset 1. Il récita aussi le verset qui se trouve à la fin de la sourate l'Exode. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement ce que vous faites. Sourate 59, verset 18. Puis il ajouta: Que l'un d'entre vous apporte en aumône une partie de ses dinars, de ses dirhams, de ses vêtements, de son blé et de ses dattes, avant de conclure en disant: ne serait-ce que la moitié d'une datte. Un homme parmi les Ansar vint alors avec une bourse tellement remplie que sa main faillit ne pas pouvoir, ou plutôt ne put, la soutenir. Puis les gens l'imitèrent, les uns après les autres, jusqu'à ce que je pus, c'est-à-dire Jarir, voir un tas de nourriture et un tas de vêtements. Je vis alors le visage du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'illuminer comme de l'or. Il, sallallahu alayhi wassalam, dit: Celui qui instaure une bonne tradition dans l'islam obtient sa récompense, et la récompense de tous ceux qui l'imiteront après lui, sans que cela diminue en rien la récompense de ces derniers. Et celui qui institue une mauvaise tradition, innovation religieuse, en islam, en portera le fardeau, ainsi que celui de tous ceux qui l'imiteront après lui, sans que cela diminue en rien leur fardeau. Muslim. 172. D'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Nul n'est tué injustement, sans que le premier fils d'Adam emporte une part de responsabilité, car il fut le premier à instaurer le meurtre. Al-Bukhari et Muslim. 173.